L'anniversaire de grand amour est toujours resté vivant en soi. Le cadre, l'atmosphère, un premier baiser brûle à jamais sur les lèvres fiévreusement. 1 an, 5 ans, 10 ans est impuissant pour en effacer ta saveur. C'est comme hier cet anniversaire. En moi, ton souvenir est toujours vivant. En y pensant, c'est plus que brûlant. C'était comme hier, j'en suis toujours fier. Le ciel était étoilé comme pour une veillée. Les oiseaux chantaient des sons mélodieux qui rendaient l'air plus radieux. Tu portais une robe multicolore, faisant resplendir ta beauté dans ce décor. De ton corps se dégageait une suave odeur, me montant à la tête, me désaltérant à ta saveur. J'étais assis à côté de toi, frissonnant comme j'avais froid. D'un élan vertigineux, je prends ta main. Un courant chaud parcourait tout mon être. C'était plus qu'un bien-être. Je te regardais dans les yeux. Nos deux visages se rapprochaient timidement. Nos deux lèvres se fusionnaient doucement dans ce premier baiser éperdument. C'était les sons du cœur.